flottement sans eau, valse aérienne, bruit dans la boîte crânienne, fatigue encombrante, café froid. Le temps se couvre de grands draps gris qui sort de sa bouche, fumant. Une allumette se casse de pitié, rigole dans le cendrier. Confetti noir, la fête se finit, puis se calme. Pourquoi t'y touches plus à 4h du mat? Puis se calme. Gérer.